Dès mardi, découvrez L'Appel des Abysses, troisième podcast natif de fiction de France Culture. La tempête a fait des ravages sur le territoire. L'océan a recouvert les continents, l'air est devenu irrespirable. L'élite financière s'est réfugiée dans une cité immergée. À la surface, les plus pauvres étouffent dans un immense bidonville flottant où gronde la révolte. Nous vivons tous accrochés les uns aux autres comme des naufragés à leur radeau. Élevé à l'air libre, Marin découvre qu'il aurait dû grandir dans les profondeurs. Il a été adopté. L'Appel des Abysses, fiction en 10 épisodes, en son immersif, sur franceculture.fr et les plateformes dédiées. Bonjour à toutes et bonjour à tous. À Bernard Pivot, qui l'interroge en 1986 sur sa pratique de la peinture, Serge Gainsbourg répond que celle-ci est un art majeur, à la différence de la chanson qui ne serait qu'un art mineur. Le chanteur Guy Béard, présent sur le plateau, n'est pas du tout d'accord et s'ensuit un clash mémorable. Mais pourquoi diable Gainsbourg tient-il tant à faire reconnaître la chanson comme un art mineur ? Un art majeur demande une initiation, pas un art mineur comme ce que les conneries que nous faisons, nous. Mais quel est, pour le surréalisme, qui vous avez influencé ? C'est un art mineur, une chanson. Mais si, mon petit gars. Mais si, mon petit gars. Mais qui s'y a, le connard, là ? Ah non, c'est Béard qui te parle. Oui, mais j'ai bien compris. En quoi est-ce que c'est mineur une chanson, ça rencontre oui, les gens. Oui, c'est mineur. C'est mineur. Mais non, il n'y a rien de mineur. Être... Tu... Parce que si, si, parce si que tu rates la peinture. Tu n'as pas besoin d'initiation. Mais tu as besoin pour de la chanson. Oh. Tu as besoin d'initiation pour la peinture, pour mais les arts majeurs. L'architecture, la peinture et la musique classique. Et la littérature. L'architecture. Et la poésie. L'architecture, tu es initié quand tu regardes. Et la poésie, s'il te plaît. Et non, nous et la chanson, tu es initié dès nous ne faisons pas de la poésie. Non, il n'y a pas d'art mineur, et ce n'est pas la peine de faire de la chanson en disant que c'est mineur. Sinon, je ne serais pas là. Tout est important. Même la cuisine, c'est majeur. Tu prends du pognon aux salauds pauvres. Tu ne prends pas de pognon, tu en prends beaucoup plus. Comme moi. Serge Gainsbourg, toutes vos chansons, vous considérez que ce sont des choses mineures ? Allons. Absolument. C'est vrai ? Absolument. Sauf certaines qui ont frôlé et qui ont approché Rimbaud. Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Ses jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés. Bonjour Agnès Guéraud. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes professeure d'esthétique à la Villa Arson à Nice, auteure, compositrice et interprète du projet musical La Féline et l'auteur de Dialectique de la Pop, récemment paru aux éditions de La Découverte. Et c'est avec vous que nous allons parler de chansons populaires. Aujourd'hui, nous sommes en train d'écouter la chanson de Gainsbourg, Melody Nelson, qui fait partie des rares que Gainsbourg lui-même considérait comme n'étant pas mineur et s'approchant de Rimbaud, ce qui est pour lui la qualité suprême. Est-ce que vous comprenez pourquoi lui-même qualifie son propre travail la chanson d'art mineur ? Oui, alors c'est très très agaçant cet échange entre Gainsbourg et Béard. Il me semble que comme amateur de pop, on est absolument séduit, bien sûr, par ce que dit Gainsbourg, parce que on a ce petit ennemi de la pop en nous quand on fait de la pop. C'est un peu le propos du livre de montrer ça. Mais voilà, il y a un rapport de force évident. Hein. Gainsbourg parle, il est au piano, il a un micro devant lui. Béard n'a pas de micro, donc il tente d'avancer cet argument qui est très intéressant, qui est l'argument de l'initiation. En effet, Gainsbourg dit, voilà, et à mon sens, ils ont tous les deux fondamentalement raison, c'est-à-dire que Béard dit, ben non, on est initié, puisque dès la petite enfance, on entend des chansons, on entend des mélodies, et de fait, il y a des individus qui vont être plus aptes à mémoriser ces mélodies ou à en produire. Donc, il y a de toute évidence un bain culturel et ou même au-delà artistique qui produit les chansonniers, enfin qui fait le. Mais là où Gainsbourg a raison, c'est que effectivement on a affaire à un art musical, parce que moi c'est comme ça que je vais l'appeler. Alors je parle pas seulement de l'art des chansons. Je pense que la pop c'est l'art des chansons enregistrée, mais admettons qu'on parle de l'art des chansons, qui est aussi un art qui va miser sur des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'éducation artistique, mais de l'ordre de l'expression de soi, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'idiosyncrasie. Hein. Qu'est-ce que j'ai en propre, non pas en tant que personne supérieure à une autre, mais en tant que personne différente. Et l'enregistrement, la force de l'enregistrement, c'est qu'il va capter cette idiosyncrasie à l'instant T. Donc on a une sorte de, comme ça, de puissance de l'individualité dans ce qu'elle a vraiment de singulier, mais sans faire de hiérarchie justement. Mais donc effectivement, un vieillard ou quelqu'un qui chante faux vont trouver la possibilité dans une expression populaire, en tout cas de musique non écrite, sans initiation théorique, on va dire, la possibilité d'exprimer quelque chose qui peut nous bouleverser. Mais ce qui agace dans la position de Gainsbourg, c'est l'anti-snobisme, qui est en fait une forme de snobisme, hein, en disant « mais non, mais moi j'aime pas l'art, je préfère l'art mineur lui-même, revendique l'art mineur », ce qui est une manière de montrer ses fesses, comme il sait si bien le faire, pour avoir l'air de cracher sur ce qu'il fait en revendiquant peut-être sa médiocrité. Et aussi, c'est l'espèce d'aveuglement volontaire quant au travail fourni. Je veux dire, Gainsbourg travaillait énormément. L'idiosyncrasie, bien sûr, la chanson populaire enregistre une singularité à un moment donné, mais il y a un travail de la voix, de l'écriture, de la composition. Ce n'est pas juste un micro qui a été tendu à un instant T. Bien sûr, et en même temps, il y a cette manière vraiment chez Gainsbourg, qui est du point de vue philosophique, pas du tout rigoureuse, de dire oui, j'ai fait certaines œuvres qui seraient majeures et puis d'autres mineures au sein de la chanson. Ben non, soit c'est un art mineur, soit c'est un art majeur, mais tu peux pas faire des œuvres majeures au sein d'un art mineur. Enfin, donc il y a une sorte de contradiction dans les termes. Et en effet, on est plutôt dans le régime de la provocation. Mais ce que je trouve finalement assez intéressant, c'est que cette très célèbre intervention de Gainsbourg est aussi très populaire parmi les amateurs et les pratiquants, ceux qui font de la musique pop, précisément parce que il me semble que dans l'expérience que nous avons de cette musique, pas seulement parce qu'elle ne nécessite pas une initiation, mais aussi parce qu'elle est médiée par la phonographie, les moyens industriels de la communication, des images de célébrités, parfois un peu ridicules. On a comme ça cette dose de... C'est pas une dose de mépris, mais cette dose critique, en fait, quand on fait des chansons. On sait qu'on peut faire une chanson, écrire une chanson très vite. Ça ne veut pas dire que c'est pas, ça n'a pas nécessité une véritable culture musicale intrinsèque ou pas. Mais voilà, on sait que c'est pas la même manière de faire de la musique, en effet, que peut-être d'écrire une partition soigneusement. Donc je pense que Gainsbourg est à la fois assez insupportable dans cette intervention et qu'il est pas rigoureux en plus dans son analyse, mais sa pertinence, c'est qu'il provoque, il rappelle ce rapport, cette espèce de négativité qu'il peut y avoir dans notre propre rapport à la musique populaire enregistrée, telle que nous l'aimons et la pratiquons. Et c'est ce que vous appelez la dialectique. Voilà. C'est ça? Donc, c'est-à-dire à la fois pratiquer un art dont on a qu'on aurait honte de pratiquer, dont non. On se défendrait. Alors c'est pas tant qu'on aurait honte de le pratiquer, mais c'est que cette pratique serait indissociable d'un rapport critique de certaines de ses conséquences. Mais je vous rassure, on peut tout à fait. Enfin, il y a toute une série d'œuvres et je dirais même de chefs-d'œuvre dans l'histoire de cette musique. Qui pour moi font pas l'objet d'un plaisir coupable. Enfin, c'est juste un ravissement tout court. Mm-hmm. Quoi. Donc, et je pense que quelqu'un comme Adorno est plus, en un sens, plus intéressant à étudier dans son rapport de mépris à la pop, de critique radicale, que finalement là cette intervention de Gainsbourg qui est très très célèbre, mais qui voilà, que cette hiérarchie des arts, elle est un peu gratuite, en fait, dans la façon dont... Eh bien, vous l'appelez de vos voeux, le voici, Théodore Adorno, qui identifie le populaire au vulgaire dans la voix d'Elise Moon. La banalité de la musique légère actuelle, implacablement contrôlée à des fins commerciales, grave dans sa physionomie l'élément décisif, le vulgaire. On pourrait presque soupçonner que c'est justement ce à quoi les auditeurs s'intéressent avec le plus d'empressement. Leur conviction musicale a véritablement pour maxime la formule brechtienne mais je ne veux pas du tout être un homme. » Ce qui les rappelle musicalement à eux-mêmes, à la précarité et à la possible élévation de leur propre existence, les embarrasse. Par le fait précisément qu'ils sont en réalité coupés de ce qu'ils pourraient être. La rage les prend lorsque l'art le leur rappelle. Dans Les Valkyries, la question que Siegmund pose dans la scène de l'annonce de la mort touche en plein l'opposé de la musique légère. Qui est-ce qui, si grave et si belle, s'approche de moi? Les applaudissements et hurlements peut-être déjà préparés sont placés sous le signe de ce que ceux qui beuglent de rire appellent humour. Mais l'humour est devenu ce qu'il y a de pire, si ce n'est le manque d'humour, le vulgaire de l'attitude musicale, la réduction de toute distance, l'insistance sur le fait que rien de ce avec quoi on entre en contact ne doit être meilleur ou prétendre être meilleur que ce qu'on est. Tout cela est de nature sociale. Le vulgaire consiste en l'identification avec l'humiliation dont la conscience captive de celui qui l'a subi ne trouve pas l'issue. Si l'art dit inférieur du passé a fourni plus ou moins une telle humiliation, l'humiliation est aujourd'hui organisée, administrée, et l'identification avec elle est strictement contrôlée. Sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, nous parlons de dialectique de la pop aujourd'hui. C'est le titre de l'ouvrage de la philosophe Agnès Guéraud. Théodore Adorno, dans ce texte, identifie le populaire et le vulgaire. Il mélange tout d'ailleurs. Hein. Il mélange, lui aussi, voilà, il mélange musique, humour, humiliation. En fait, quand on écoute attentivement ce texte, on n'entend pas parler de musique, on entend parler d'industrie culturelle. C'est lui qui a inventé ce concept d'ailleurs, avec Horkheimer, voilà, dans les années 40, dans Dialectique de la raison, qui est un ouvrage très important de ces deux philosophes, où il y a cette idée que tout à coup, l'industrie et la culture sont mis à fonctionner ensemble, ce qui est une sorte d'oxymore, parce que normalement, elle n'aurait jamais dû se rencontrer, et que donc les œuvres d'art sont passées dans ce régime d'une industrialisation, alors qu'une œuvre d'art, c'est ce qui est singulier. Donc là, l'idée, c'est qu'on produit des œuvres d'art à la chaîne. Donc évidemment, on n'a plus affaire à des œuvres d'art. Et les productions de musique populaire légère, pour Adorno, relèvent totalement de ces produits standardisés. Donc, effectivement, là, ça produit ces critiques les plus élitistes, en quelque sorte, de ce que peut être la musique populaire légère. Ça l'amène toujours à commenter la chose d'un point de vue qui est de surplomb, qui est en un sens trop général. Enfin, je le trouve plus intéressant finalement quand il s'approche d'un objet musical et qu'il l'analyse précisément en détail. Donc là, on est cette assimilation du vulgaire au populaire, cela dit, elle est ancienne et elle est très intéressante à étudier. Je crois qu'en effet, il se passe quelque chose dans cet avènement de la musique populaire enregistrée au XXe siècle. C'est le fait que on cesse à un moment donné, je dis pas qu'il n'y a pas de vulgarité, bien sûr, il peut y en avoir, mais il peut ne pas y en avoir du tout. Hein. Si vous écoutez, je sais pas, un morceau de Phil Hawkes qui s'appelle Crucifixion et qui dure, je sais pas combien, 12 minutes, bon, enfin, je vois pas où est la vulgarité, sincèrement, donc ça ne marche pas toujours. C'est pas juste par rapport à ce qu'est le répertoire historique très large de ce qu'est la musique populaire enregistrée. Mais il s'est passé quelque chose, et là il faut carrément remonter au 19e siècle, il s'est passé cette chose qu'on a cessé de considérer justement une sorte de hiérarchie des arts dans laquelle le vulgaire, donc le comique, hein, c'était ça, était une zone inférieure de l'art qui ne représentait qu'une possibilité de l'existence humaine. Et bon, c'est déjà voilà, dans les comédies antiques, hein, on les associe à voilà un art vulgaire qui serait comme ça localisé dans une zone de l'expérience. Et ce qui va se passer au XIXe siècle avec le romantisme en Europe, mais aussi avec le transcendantalisme aux États-Unis, par exemple chez Walt Whitman, c'est que il y a une sorte de bascule qui fait que on finit par considérer c'est ce qu'on appelait vulgaire non plus comme une zone de l'existence qui va concerner les classes populaires, mais comme quelque chose qui va avoir la capacité de dire le monde véritablement, totalement. Et on trouve ça chez Hugo, dans l'idée du grotesque. C'est-à-dire que la question, c'est pas de mettre le vulgaire, de compter le vulgaire comme un genre, mais d'en faire la forme même de l'expression, d'une expression qui serait juste avec la totalité du monde. Donc, c'est pas tant Adorno, là, il fonctionne avec des concepts un peu vieillots, comme ça, qui localisent le vulgaire et qui se scandalise qu'on l'impose comme ça. Alors je dis pas qu'il y a pas des émissions vulgaires à la télé, ou évidemment, mais est-ce qu'on parle de musique à ce moment-là? Non. Et est-ce qu'on parle d'art? Non. Donc le moment, voilà, où l'art, entre guillemets, et d'abord ça a été vraiment l'art poétique et l'art littéraire, hein, s'empare de cette zone considérée jusqu'ici très longtemps comme vulgaire et localisée, ce moment où on se met à se dire que non, ça va dire le monde entier, ça va dire nos existences, ça va dire notre finitude. C'est ce moment-là qui va ouvrir une constellation que la musique, dont la musique populaire va s'emparer. Et en effet, dans la musique populaire, on peut parler de vie ordinaire, mais on peut parler aussi du sublime de la vie ordinaire. Voilà, mais c'est peut-être que ça qu'Adorno ne supporte pas, qu'on nous ramène à la dimension vulgaire de l'existence. L'identification entre populaire et vulgaire est révélatrice, me semble-t-il, du point de vue dont nous sommes toujours tributaires quand on parle de chansons populaires. En fait, dans populaire, même dire chanson populaire, c'est une manière de s'en exclure ou d'être à côté. C'est ceux qui aiment le populaire qui l'écoutent. On peut s'inclure dans cette catégorie-là, mais le dire, l'appellation même, implique une forme d'exclusion de soi. Oui. Comme s'il y avait toujours un jugement de valeur implicite. Oui, ça produit ce jugement de valeur. En revanche, je dirais pas qu'Adorno est un ennemi de ce qu'il y a d'ordinaire. Une de ses chansons préférées, il y a un petit texte qui est très beau, je crois qu'on trouve dans son ouvrage Quasi una fantasia, où il dit que finalement la chanson populaire qui l'émeut le plus, c'est la Penny Serenade, donc la sérénade à un penny. Donc et il fait toute une analyse comme ça. Il y a un refrain avec c'est une chanson italienne au départ. Enfin, et vraiment, on peut pas imaginer une chanson plus humble que cette chanson qui dit elle-même qu'elle ne coûte qu'un penny. Et dans le refrain, voilà, il y a une sorte de si. On entend un personnage. Enfin, il imagine un mendiant comme ça qui dodeline de la tête. Enfin, donc, et il est très ému par ce morceau. Comment vous l'expliquez alors? Ben parce que c'est pas le vulgaire, c'est justement c'est pas le populaire, et il le sait en réalité. Dans le texte qu'on vient d'entendre, il y a une confusion stratégique, mais il sait très bien que il y a une humiliation. Enfin, il y a cette idée qu'on est dans l'immédiateté de la vie, qu'un art puisse transmettre ça. Évidemment qu'Adorno y est sensible, et c'est quand même quelqu'un d'intelligent et de. Enfin, extrêmement touché par la musique. Mais ce qu'il aime dans cette chanson, c'est qu'elle dit ce qu'elle vaut. Et elle vaut pas grand-chose. Et c'est justement le fait que... C'est le critère de l'authenticité. Voilà. Il y a une disparition du mensonge industriel, justement. Le mensonge industriel qui dit que, ah non, qui met en avant comme des produits de luxe, ce qui est en fait un produit de consommation. Donc, tant que lambda. Tant que la chanson populaire se revendique comme telle, il n'y a pas de problème. C'est quand elle se croit extraordinaire et se compare à Wagner. Et il est sensible chez Mahler quand Mahler va chercher des éléments de fanfare. Enfin, il trouve ça très, très émouvant. Mais il a une idée, voilà, ça reste une vision du populaire qui, pour le coup, est un peu désuète aussi. Alors, on va essayer de définir ensemble ce que vous appelez le populaire dans la pop, la musique pop. Vous avez dit, c'est la chanson enregistrée. On va écouter ensemble un extrait de The Carter Family de 1927, enregistré dans le Bristol, Tennessee, et puis après en 1936 à New York. Et vous allez nous dire en quel sens ici l'enregistrement même de la chanson contribue, voire accompagne la naissance de ce qu'on va appeler ensuite le populaire. Single girl, she's going dressed fine. Agnès Guéraud, on peut partir de ce qu'on entend quand on écoute aujourd'hui cette chanson enregistrée. Donc c'est la version de 1936 à New York et qu'on l'écoute en 2018. On entend une guitare qu'on sait être américaine, on entend ce qu'on appelle la country music et on imagine tout de suite, nous viennent à l'esprit des images de ce que peut être le Tennessee à l'époque. Et ça veut dire que la chanson, cette chanson dite populaire véhicule avec elle tout un imaginaire de cliché. C'est une première définition du pop ? Non, je dirais, enfin moi, je commencerai pas par le cliché en tout cas, mais je trouve que donc ils viennent de Virginie, la Carter Family. Ce qui est très intéressant, c'est que donc c'est essentiellement des femmes. Hein. Il y a le mari, la femme et la cousine. Et là, la guitare, vous avez raison de la faire entendre en parlant, qui est jouée par Maybelle. C'est une guitare qui était très remarquable et qui a un peu fondé le jeu country. Parce qu'elle joue la mélodie à la basse et la rythmique avec le reste des cordes. Et ça, c'était, c'était pas forcément quelque chose de si conventionnel que ça, pas du tout. Donc il y a une innovation de ce point de vue-là. Et surtout, ce sont des morceaux enregistrés très tôt qui vont énormément marquer toute la tradition country, tous les amateurs. Donc la première version, vous le disiez, elle est enregistrée en 1927. Et donc elle est sur un label qui s'appelait le label Victor, qui est un énorme label. Hein. Enfin, il y a vraiment une réelle diffusion industrielle qui se met en place. Bien sûr, la Grande Dépression va un petit peu bouleverser tout ça, mais donc on a des producteurs, un ingénieur du son producteur qui s'appelle Ralph Peer, qui et la Carter, toute cette petite famille, la Carter Family, va donc de Virginie jusqu'au Tennessee pour enregistrer sa chanson. Donc, et fixer cette chanson qui, en réalité, bien sûr, est une chanson traditionnelle, enfin, qui existe par ailleurs, mais qui vont adapter, qui vont jouer à leur manière et chanter à leur manière avec cette voix, moi, que je trouve absolument irrésistible. Et ce morceau est redécouvert ensuite dans les années 60, en 62, sur l'anthologie de Harry Smith, qui est un collectionneur, et qui va comme ça rassembler des enregistrements d'avant-guerre que tous les folkeux, les Dylan vont écouter ensuite et qui va énormément les inspirer. Enfin, cette anthologie, je la recommande d'ailleurs à nos auditeurs, qui est absolument bouleversante et voilà passionnante sur les origines de cette musique populaire enregistrée. Alors, l'enregistrement. Oui, qu'est-ce que ça change ? C'est un chant traditionnel, voilà, fois qu'il est enregistré. Voilà. Donc, alors, je dirais, il y a deux choses. On retrouve cette idée que j'évoquais tout à l'heure du populaire. La chanson, c'est Single Girl, Married Girl. Donc, le propos de la chanson, c'est de comparer la vie d'une fille célibataire et la vie d'une fille mariée. Et quand vous lisez les paroles, vous vous rendez compte que on a une description, enfin, la fille mariée a l'air d'être beaucoup plus malheureuse que la fille célibataire. Mais il n'y a pas de jugement non plus, hein. Mais bon, disons qu'il y en a une qui sort et qui s'amuse et puis l'autre qui est juste qui coud et qui attend son mari et la couche est vide en plus, parce que lui il est occupé à travailler, bien sûr. Donc il y a déjà cette espèce de provocation, hein. Enfin, on pourrait dans une histoire de gender studies de la musique populaire, on pourrait tout à fait mettre ce morceau comme un morceau assez fondateur. On imagine donc qu'il est plus ancien bien sûr que l'enregistrement, mais ce qui se passe et le moment pour moi où on entre dans la pop et non plus seulement la question de la musique populaire, donc la pop au sens de musique populaire, ce que j'appelle musique populaire enregistrée, c'est que à un moment donné, la fixation sur bande, déjà le choix d'arrangement, mais la fixation sur bande ou sur cylindre, enfin quelles que soient les techniques, ou la gravure sur micro-sillon, de cette interprétation qui va faire date, puisque comme je vous dis, elle est reprise ensuite par Harry Smith, elle fait l'objet d'une certaine d'une réelle affection. Donc et c'est cette version que j'aime. J'ai pas envie d'aller entendre une reprise ratée, quoi. Donc ce moment de la fixation qui va faire que voilà, tout à coup le jeu de guitare de Maybelle va être connu de tous les amateurs. Elle opère justement ce basculement vers une forme d'œuvre qui est une forme d'œuvre enregistrée. C'est-à-dire que la pop est faite pour l'essentiel de ce qu'elle aimait, pas exclusivement d'ailleurs, de chansons. Elle est faite de l'art des chansons, mais elle n'est pas l'art des chansons. Elle est l'art de la musique, d'une musique populaire enregistrée. Donc qu'est-ce que ça change ? Ça change le lieu où les auditeurs peuvent l'écouter déjà ? Ouais, ça change le moment où ils l'écoutent ? C'est ça. Ça désingularise. Ça singularise, parce que ça change l'œuvre. où est l'œuvre. Parce qu'avant, c'est un concert. Avant, c'est on prend sa guitare, on joue devant quelqu'un et le moment est terminé. Voilà, mais et ça se transmet. Il y a une forme d'anonymat. Et c'est lié à une communauté, à un lieu donné, alors que l'enregistrement déjà va déterritorialiser la musique. C'est-à-dire là, moi aujourd'hui, je vous parle en 2018 de quelque chose à Paris, de quelque chose qui s'est passé dans le Tennessee en 1927. Donc ce phénomène de déterritorialisation. C'est le pire mot à prononcer. Fait partie des effets de l'enregistrement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un moment où on change de focale, si vous voulez, au moment où on se demande où est l'œuvre, quel va être l'objet de notre jugement esthétique. C'est un peu le projet du livre, d'arriver à se demander où sont les œuvres, c'est quoi une œuvre pop? Et une œuvre pop, c'est l'œuvre enregistrée. À mon sens, c'est pas la composition, c'est pas la suite d'accords. Je me rappelle, voilà, d'un compositeur comme ça qui avait joué Let It Be au piano pour démontrer quelque chose au public. Et puis, il y avait des petits sarcasmes sur le fait que c'était très simple. Mais sauf que c'est pas ce moment de jeu où on associe les accords qui fait Let It Be. Let It Be, c'est la version enregistrée. Alors, il y en a plusieurs. Celle de Phil Spector dans l'album est pas du tout la seule. Il y a la version Naked par McCartney ensuite. Enfin, donc, il peut y avoir des versions qu'on va évaluer esthétiquement différemment. Mais ce à quoi se réfère le jugement esthétique, c'est la version enregistrée. C'est cette voix particulière qu'on entend sur la version de la Carter Family. C'est ce jeu particulier de guitare. C'est même ce son et ces parasites qui vont compter dans mon écoute et dans mon goût pour cette chanson. Et ça, c'est important à savoir parce que voilà, il y a une espèce de réductionnisme parfois où on réduit les œuvres aux chansons. Et c'est ce que fait d'ailleurs stratégiquement Gainsbourg, lui qui pourtant est un excellent artiste du son aussi. Il a compris ça. Il a compris l'importance du son et de l'enregistrement. Et il n'y a pas de Mélodie Nelson sans sa version enregistrée. Dans ce cas, Agnès Guéraud, si je vous suis, la musique pop est une musique qui est enregistré, qui peut être écouté à un autre moment, et c'est cet enregistrement qui déterritorialise la chanson et la composition elle-même. Ça veut dire qu'on peut compter comme musique pop ceci. Les vocalises de la Reine de la Nuit par Agnès Guéraud. Non, bien sûr, par l'interprète de Mozart. Agnès Guéraud est avec nous en studio sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Alors, que les auditeurs se rassurent, ceux qui sont déjà tombés de leur chaise en se disant « Mais non, Mozart n'est pas de la musique populaire. » Si le seul critère, c'est l'enregistrement, alors la Flûte enchantée aussi de la musique pop. Dites-nous pourquoi ce n'est pas le cas. Non, c'est pas le cas parce qu'effectivement, la Flûte enchantée, c'est un opéra en plus, il y a une partition et un livret. Et cette origine, on peut pas situer absolument l'œuvre dans la partition parce qu'effectivement, dans la partition, elle est silencieuse. L'œuvre, il faut l'interpréter. Mais pourtant, on peut pas dire que l'interprétation soit le tout de l'œuvre. Ça marche pas. Donc il faut absolument dissocier les enregistrements qui sont des interprétations d'œuvres qui existent, dont on est obligé d'admettre qu'elles existent en dehors de cette interprétation et de cette fixation sur la bande, et des œuvres dont la condition même de production, c'est-à-dire on ne peut pas, c'est comme si je vous disais, j'essaie de faire une peinture sans surface. Il faut la surface pour faire la peinture, il faut l'enregistrement pour faire une œuvre pop. Il faut pas l'enregistrement pour faire cette œuvre de Mozart. Une œuvre pop a été écrite avant. Pas nécessairement. Quand vous écrivez une chanson, vous écrivez le texte, vous pouvez composer, alors pas forcément avec une partition et des notes écrites, mais il y a une composition. Mais ça reste des indications, c'est-à-dire que si vous travaillez en termes de musique électronique, vous partez du son. Vous partez déjà de ce son médié par... Donc le moment même est impliqué dans la création, oui, en fait. Oui, le son est, et c'est ce que va intégrer dans toute l'histoire de la pop. Il y a cette intégration progressive, même du son altéré de la radio. On est ému par cette espèce de climat que produisent les effets de réverbération, que produit le fait, vous voyez, là on parle à la radio et on a un son très médium, enfin bon, tout ça va être progressivement fétichisé. Mais pour revenir à Mozart, voilà, il faut vraiment faire une différence entre l'enregistrement d'une œuvre qui préexiste à cet enregistrement, et d'ailleurs on connaît certaines interprétations de La Reine de la Nuit, mais on n'a pas du tout le même rapport de fascination et d'élucidation aux interprétations enregistrées que à la partition elle-même et à l'intention de Mozart. Donc il faut distinguer des œuvres écrites qui font l'objet d'une interprétation enregistrée et des œuvres populaires justement qui n'ont pas d'autre support que l'enregistrement pour se fixer. Et pour, alors bien sûr qu'il y a la transmission orale, mais justement, ce qui va se passer avec l'enregistrement, c'est que la médiation du son, la médiation de la phonographie, va être constitutive de l'œuvre d'art, comme la surface est constitutive, nécessaire, indispensable, pour faire une peinture. Et je pense, cela dit, que Mozart a quand même, en revanche, une intuition très puissante de ce qu'est le populaire, en revanche, parce que, alors bon, déjà j'ai découvert enfant ce second air là de La Reine de la Nuit dans La Flûte Enchantée. Je crois que c'était, ça accompagnait une pub pour Toyota. Enfin, c'était vraiment le moment, la déchéance industrielle d'une œuvre qui est magique. Tout à fait pour c'est Adorno. Le cas de le dire. Voilà. Et effectivement, ce moment-là est tout à fait magique, c'est-à-dire qu'un enfant peut totalement succomber à ces notes, très très très hautes, voilà, qui semblent sorties de la gorge d'un oiseau, quoi. Enfin, il y a quelque chose de presque inhumain, en fait. Dans ce champ, et en même temps évidemment très humain, on parle quand même d'une œuvre maçonnique. Mais et Mozart avait cette intention, on peut le dire parce qu'il y a toute une correspondance qui existe, de réconcilier par la musique ceux qui savent et ceux qui ignorent. Et il y a une très belle lettre à son père où il dit « Je cherche la musique de la juste mesure », c'est-à-dire cette musique que les experts sauront apprécier pour son élaboration, mais que les béotiens comprendront et par laquelle ils seront émus, dit-il, sans savoir pourquoi. Et cette histoire de sans savoir pourquoi, c'est quelque chose qui lui permet d'ouvrir le champ de l'expression musicale et l'accessibilité à la musique. Eh ben, aux ignorants, quoi, à ceux qui ne savent pas. Et donc, il y a cette scène aussi dans La Flûte Enchantée où toutes les bêtes de la forêt se rassemblent autour du jeu de flûte de Tamino. C'est-à-dire, c'est même pas des êtres humains, c'est des bêtes. Mmh. Donc, c'est-à-dire ceux qui ne comprennent, ne sont pas initiés à la musique. On revient à cette question d'initiation. Et il me semble que dans cette alliance entre une profondeur de composition, une exigence, parce que Mozart est évidemment exigeant dans la composition, et la quête de l'évidence, quelque chose qui soit à la fois exigeant et évident, on trouve, moi, ce que j'appelle l'utopie de la popularité, c'est-à-dire la popularité, cette fois pas au sens du populaire, au sens de ce qui concerne le peuple, mais au sens de l'universel, voilà, d'une espèce de réconciliation qui fait que tout le monde est saisi, quoi, quel que soit son degré d'analyse. Et il me semble que quand on cultive, en pop, n'importe quel compositeur de pop a un rapport au tube, au hit. Et que le hit, c'est un peu la cristallisation de ça, c'est-à-dire de l'utopie de la popularité, au sens où le plébiscite pourrait rejoindre l'art, c'est-à-dire que un truc génial séduirait tout le monde. Et c'est ce qu'on cherche. C'est le fantasme de tout compositeur. Alors, avant d'en venir au hit, parce qu'effectivement, c'est important qu'on aborde ce point, Théodore Adorno a encore quelque chose à nous dire. Cette fois, il va nous le dire directement. Et il insiste, on ne peut pas lier la sphère du divertissement, à laquelle appartient la musique populaire, à celle de la politique, ni même de la protestation. Ich glaube allerdings, dass Versuche politischen Protest mit der popular music. Je crois que les tentatives de lier la protestation politique et la pop music, la musique de divertissement, sont condamnées à l'échec, car toute la sphère de la musique de divertissement, aussi moderniste qu'elle se prétende, est tellement liée à la véritable nature de ce divertissement, à la consommation, que toute volonté de lui donner une autre fonction ne peut que rester extérieure. Veränderte Funktion zu geben, ganz äußerlich bleiben. Und ich muss sagen, wenn also dann irgendjemand sich hinstellt. Et si quelqu'un vient nous dire sur une musique sirupeuse que la guerre du Vietnam est insupportable, alors je trouve que c'est justement cette chanson qui est insupportable, dans la mesure où elle fait entrer ce qui est intolérable dans la sphère de la consommation. Das Entsetzliche noch irgendwie konsumierbar macht, schließlich auch daraus noch etwas wie Konsumqualitäten herauspresst. Essayez de prendre la parole sur la guitare électrique de Jimi Hendrix. C'était en 1969 à Woodstock, Star Spangled Banner, Jimi Hendrix qui joue contre la guerre des États-Unis au Vietnam à ce moment-là. Agnès Guéraud, est-ce qu'il donne tort à Adorno qui dit qu'il ne faut surtout pas lier la sphère de la musique populaire à l'engagement politique? L'engagement politique en art, c'est toujours un problème, en fait, pas spécialement en musique populaire. Enfin, c'est une chose extrêmement difficile que d'associer une vision du monde qui est parfois très intérieure, très singulière, très fragile, à un moment de l'histoire des hommes et de dire mon œuvre est là pour dire quelque chose contre. Et donc, bien sûr qu'Adorno, en un sens, a raison de critiquer ce qui peut lier l'art et le politique. D'ailleurs, il le fait pas seulement pour la musique populaire, tout en pensant que l'art est là pour présenter l'idée d'un autre monde. Donc, c'est politique, mais à une échelle qui est métapolitique, quoi. Une œuvre, elle est pas là pour débattre des dernières petites phrases d'Emmanuel Macron, quoi. C'est une autre échelle. Il y a l'idée, comme ça, d'une critique politique, mais qui est une critique humaine profonde que les œuvres d'art engagent, pense Adorno, donc en général. Mais bon, là, ce passage, il est marrant parce que c'est donc il parle à la télévision allemande en 68 et il parle de John Baez. La chanson, en fait, qu'on entend derrière est probablement plutôt un extrait de live d'un morceau qui s'appelle Oh Freedom, qui n'a rien à voir avec la guerre du Vietnam. Il s'agit d'une chanson que John Baez reprend, qui est plutôt liée à l'histoire de l'esclavagisme. Donc il se plante un peu. Là, il est pas très précis non plus. Je suis assez méchante aujourd'hui avec Adorno. Plaisir à tout le monde. Elle est plus difficile de le sauver. Donc. Non, mais il est pas assez précis, en l'occurrence, sur le sujet. Mais ce qui est très fort, ce qui est effectivement marquant, c'est que il se présente comme quelqu'un qui n'est pas ému par cette voix de John Baez, qui émeut la terre entière à ce moment-là, quoi, qui émeut la terre entière à ce moment-là. Et donc il y a une espèce de refus de justement d'entrer dans la ronde réconciliée qui est censée susciter comme ça une chanson à la fois immédiate et profonde. Donc, et ça c'est une attitude aussi très pop, quoi, ces moments de refus. On va refuser d'entrer dans le cercle et dire non, moi ça ne me touche pas, moi ça ne ça n'affecte pas mon, enfin ça ne me ravit pas. Je ne suis pas enchantée hein, par ce que j'entends. Et c'est toute une critique, bien sûr, chez lui de la légèreté. Il y a une expression dans Dialectique de la raison où il parle du bain d'acier du fun. Donc le fun, le divertissement, c'est le contraire de la libération des corps, quoi. C'est vraiment le moment où on est saisi sous une chape de plomb, enfin voire dans un bain d'acier. D'ailleurs, c'est ça véritablement. Sa métaphore. Et là, Hendrick, c'est pas qu'il donne raison, mais bien sûr, il y a un contexte historique, il joue ça à Woodstock, et ce qui est saisissant, c'est... Et il joue l'hymne américaine, bien sûr, je précise. Voilà, l'hymne américain, et c'est ce qui est très fort, c'est que c'est ce son de guitare qui est pas seulement saturé, enfin, ce son et ce jeu qui est plein d'échardes, enfin, c'est vraiment une liberté qui est crucifiée, quoi. Il y a quelque chose de très... qu'on peut en tout cas interpréter comme ça. Et là, on voit vraiment que la médiation des sons amplifiés, des sons électriques, elle est fondamentale dans la pop. Donc, on peut pas dissocier les notes, la partition non. de cet hymne américain et ce qu'on entend là. Et d'où l'importance du support, hein, ceux qui veulent écouter ce concert en vinyle, ceux qui veulent écouter un autre type de son, puisque chaque matérialisation du son... change même l'écoute qu'on en fait. Oui, bien sûr. Mais voilà, bon, là c'est un cas particulier parce qu'il prend effectivement un mort. Pour le coup, il interprète une musique écrite. Oui, mais quand nous on l'écoute aujourd'hui, voilà. On entend le Woodstock live, voilà. Ça a une certaine texture, voilà. Un certain grain, les aigus sont très vite saturés, et c'est ce qui fait le charme de cette musique pop. Alors, Jimi Hendrix nous conduit à un autre personnage, puisqu'il en fait partie aussi, c'est un point très important que vous abordez dans votre livre. La musique pop était aussi inséparable de l'émergence du sujet pop. Comment faire pour, en tant que chanteur, pour finalement à la fois être absolument singulier et s'adresser au plus de monde possible? Il y en a un qui est peut-être, a réussi plus que d'autres. On entend quelques notes du début de la chanson. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. La musique pop, ce sont aussi des chanteurs pop dont la vie importe presque autant que l'œuvre, Agnès Guéraud. Alors, je dirais que là, cette dimension de la vie et de l'incarnation de l'individu va compter, c'est vrai, absolument, dans la musique populaire, plus qu'elle ne s'était autorisée à le faire dans l'histoire de la musique savante. Bon, en gros, l'histoire de la musique savante européenne, on a des compositeurs blancs, mâles, en grande majorité, et c'est pas ça qui compte. Tant que ça, enfin, même si on connaît leur vie, on peut lire une vie de Beethoven ou de Handel, pas de problème. Mais on va pas, c'est l'amateur des vies de musiciens, c'est pas la version la plus prisée de l'amateur de musique savante. En revanche, c'est vrai que ces possibilités de la musique populaire qui vont être des possibilités démocratiques, parce que comme on l'a dit, on peut être un génie en pop et ne jamais être passé par un conservatoire. On peut être un génie en pop et avoir 17 ans. Enfin, je pense à Stevie Wonder, quoi. Mm-hmm. Bon, commencer très très jeune. Enfin, remarque, il y a des génies en musique. Enfin, voilà. Bon, il y a des contre-exemples en musique savante pour le coup. Mais c'est tout à coup une musique où vont compter le fait d'être noir, homosexuel, homme ou femme, d'être une sortie de prison, d'appartenir à la communauté chicano ou pas. Enfin, donc tout à coup, la situation, là pour le coup très sociale, très objective de l'individu, va investir la musique sans précédent. C'est-à-dire que et son authenticité. Donc, mais la pop, c'est pas qu'un forum démocratique. Il suffit pas d'être homme, femme, noir. Non, mais dans le cas des Doors, il y a quand même une légende autour Oui, bien sûr. Mais alors, ce qui m'intéressait dans le cas des Doors, c'était plutôt ce rapport justement à l'incarnation. Et c'est les individus qui sont incarnés. Donc, c'est pour ça que je parle de sujet pop aussi en jouant sur une expression d'Adorno qui parle du sujet jazz. Avec un texte terrible comme ça où il décrit un musicien de jazz et puis en fait il supporte pas quoi que cette puissance physique qui porte la musique. Donc l'individualité là elle joue à même l'œuvre, c'est pas tant la vie de Jim Morrison par rapport à son œuvre, c'est comment par exemple dans ce morceau, Riders on the Storm, est investi un corps et notre corps aussi. Et je me suis intéressée à la façon dont dans la musique était représenté le thème de l'eau. Et donc, bon, on trouve ça évidemment, bien sûr, dans la musique, dans le répertoire de la musique écrite, chez Beethoven, chez Ravel. Et il y a tout. Et la différence que j'ai trouvée, il y a énormément de chansons pop aussi qui sont fascinées par le thème de l'eau. Et on a toujours des. On a d'ailleurs parfois des interprétations. Là, le piano est très ravelien, d'ailleurs. Donc ça circule. Hein, la musique circule, bien sûr. On parle des différences entre des arts musicaux. Et je pense que par contre, il faut totalement ouvrir les vannes des musiques entre elles. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous considérez la tempête de Beethoven, vous voyez que l'homme tel qu'il est représenté dans la tempête, c'est à un moment, voilà, on peut avoir une interprétation telle que c'est une sorte de tableau comme ça de l'humanité, et puis on voit l'homme, la petite flûte là qui circule à l'intérieur de tous ces de l'orchestre tourmenté. Là, ce qui se passe, on l'a pas entendu parce qu'on n'a pas commencé au tout début de la chanson, mais on entend carrément la pluie tomber directement. C'est-à-dire l'enregistrement, il permet directement cette immersion. Il y a même pas besoin de la médiation d'une écriture. On a déjà cette pluie qu'on entend dans l'enregistrement et qui compte comme élément de l'œuvre. Et on a cette expérience qui est une expérience d'immersion. C'est-à-dire, on n'a pas un tableau de l'humanité. On est avec ces Hells Angels, là, puisqu'ils se sont attribués cette chanson comme hymne, sur une route, dans un monde industrialisé, dans un monde où there's a killer on the road, il y a des tueurs, il y a des dangers, et on est dans le mouvement de leur cheminement, enfin, de leur course, à travers des routes américaines. Et ça, c'est indissociable de la chanson. C'est-à-dire qu'on n'a pas une vision de l'homme en général. On est en Amérique, on est avec ces individus sous la pluie. Enfin, eux, ils sont sur l'orage, hein, parce que bien sûr, ils sont sur leur moto. Donc, il y a cette idée comme c'est on the storm. Donc, il y a une idée de chevaucher l'orage qui est très belle. Mais et voilà, il me semble que ça, c'est quelque chose que l'expression populaire permet, c'est de se mettre à hauteur d'homme et à hauteur de cet homme en particulier. Donc, c'est là que voilà, l'individualité et l'incarnation humaine se mettent à compter d'une manière qui est sans précédent. Il nous reste à peine 5 minutes, Agnès Guéraud, et nous n'avons abordé que 2% de votre livre. Je l'ai promis aux éditeurs quand même, le hit, vous l'avez rapidement esquissé. Qu'est-ce qui fait un hit? En voici peut-être un élément de réponse, celui de la répétition. Écoutez. One more time. Et oui, la pop n'exclut pas forcément l'électro. C'était un extrait de l'album de Daft Punk Alive qui date de 2007, un mix entre One More Time et Aérodynamique. Les plus férus de Daft Punk d'entre vous l'auront évidemment reconnu. One More Time, c'est le titre de la chanson, c'est aussi ce qui fait un hit. Hein. On répète encore et encore et on ne s'en lasse pas. C'est absolument, ça la magie du absolument. Hit, Agnès Guéraud. Il y a une façon d'approcher parfois les hits en disant il y a toujours les mêmes accords, il y a toujours la même structure honnêtement, c'est faux. Enfin, ça ne marche pas. Bien sûr qu'il y a une fabrique des tubes et que on produit beaucoup à la chaîne, mais beaucoup de choses qui sont très vite oubliées aussi. Mais en revanche, il y a des manières de fonctionner du hit. Et c'est une chose voilà qui m'a amusée, voire passionnée, c'était d'observer voilà la manière dont le hit se convoque lui-même et rappelle, invite l'auditeur à appuyer à nouveau sur la touche play. Il y a c'est quasiment cette figure très ancienne qu'on appelle c'est la figure de l'ouroboros, hein, le serpent qui se mord la queue. Un bon hit, c'est un morceau qui est là pour qui invite à sa réitération, qui invite à et ben voilà, il y a même ça produit des figures qui sont très belles. Hein. Il y a ce très beau morceau qui est chanté par Roberta Flack, The First Time Ever I Saw Your Face, et la chanson pop va permettre de produire la réitération de cette première fois. C'est pas possible de réitérer une première fois, mais une chanson pop, elle peut réitérer une première fois. Donc il y a énormément de conséquences esthétiques à ce fonctionnement du hit qui va miser sur les thèmes de l'addiction. On connaît le morceau Toxic de Britney Spears, qui est, je crois, un des morceaux les plus repris au monde dans l'histoire de la musique. Ben oui, et en même temps, dont la production est absolument, enfin, est excellente, quoi. Enfin, je trouve que c'est pour le coup, c'est un morceau très très réussi dans sa totalité de versions enregistrées. Le hit, il a cette puissance. On revient à Mozart. Je vais faire sauter les gens sur leur chaise, mais dans cette logique du ravissement, hein, l'œuvre dont on parlait tout à l'heure, c'est quand même la flûte enchantée, l'enchantement. Ça induit ce double risque. Voilà, quand on est enchanté, on est impuissant, on est captif. Et le hit nous rend captif parce qu'il nous demande de répéter indéfiniment. Voilà, de le répéter, de le reproduire indéfiniment. Et le hit nous renseigne aussi sur notre propre culture et sur la société dans laquelle nous vivons. Ce qui était un hit à l'époque ne serait plus forcément un hit aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, par exemple, si on regarde parmi les chansons les plus écoutées ou les clips les plus regardés sur YouTube, on trouve ce groupe français, un Big Flo et Oli, qui a fait ce tube, ce hit qui s'appelle Dommage. Ça a été vu plus de 120 millions de fois, je crois. Ce qui est un renseignement sur quoi, en fait, sur notre rapport à la musique, sur notre culture. Oui, bien sûr. Après, voilà, qu'est-ce que l'évaluation esthétique. Moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de me préserver de ça. Je veux absolument être sans condescendance par rapport à l'art musical pop, et en même temps, je veux pas produire ce que fait Adorno, c'est-à-dire un tribunal esthétique, hein, comme il humiliait Stravinsky contre Schoenberg. Je veux pas humilier Big Flo et Oli contre Stevie Wonder, mais bien sûr. Mais vous appréciez moins l'un que l'autre. Uns que l'autre. Voilà, disons que c'est peut-être une question de génération aussi, donc ça, je respecte aussi. Mais il y a évidemment un phénomène culturel qu'on peut observer, mais par contre, je serais vraiment là. Il me semble important de distinguer justement ce qui peut avoir une importance esthétique du pur phénomène culturel. Ça, c'est très difficile. Voilà. Et c'est souvent par l'histoire, par le temps. C'est-à-dire que si vous regardez les charts des années 80, vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous avez complètement oubliées. Il y a des choses qui sont restées. Mmh. Mais il y a des choses qui ont complètement disparu avec la culture, quoi. La culture qui se dévore elle-même et qui s'écoule et qui... On a plein de métaphores possibles pour parler de la façon dont la culture se décompose et puis se fait oublier au bout d'un moment. Donc la question, c'est aussi qu'est-ce qui va rester? C'est pas seulement le nombre de vues sur YouTube. On est assez aveuglé aujourd'hui. Mais il faut se rappeler, voilà, qu'un groupe comme le Velvet Underground, il était écouté par 100 personnes. Et l'importance qu'il a dans l'histoire de l'art musical pop, elle est considérable. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il va rester? C'est la question, ouais, c'est la question qu'on aimerait poser peut-être à Adorno, dont on a bien compris qu'il, c'était oh pas non, lui. Non, qui, surtout pas lui, parce c'est qu'il pas lui qu'il faut rien. Inviter pour une soirée à musique entre amis, ça c'est sûr. On va se quitter quand même avec un tube, alors que la chanson est très récente. Et ce qui, bah, parions-le, restera dans la postérité ensuite. Every ups in mind the day I let myself carry away, then you get $5 baby blue. Avec Big Flo et Oli, parce qu'on les a cités. On aurait pu se quitter avec le message personnel de François Hardy, dont il y aurait beaucoup de choses à dire. On se quitte avec Christine and the Queens, Chris, en fait, qui chante $5. Il y aurait beaucoup d'autres versions. Peut-être qu'Adorno aurait bien aimé comme la Penny Serenade. Exactement, $5. C'est pas la chanson, d'ailleurs, c'est autre chose dont il est question dans le clip, en tout cas. Un grand merci à vous, Agnès Guéraud, d'être venue nous parler de votre livre aujourd'hui. Je renvoie d'ailleurs à la lecture de cet ouvrage, Dialectique de la pop, qu'on trouve aux éditions de La Découverte. Et je rappelle que vous êtes auteur, compositrice et interprète du projet musical La Féline. Sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. incroyable. Après, je reprends la parole après la chronique. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre d'une actualité brûlante. 30 ans après sa première parution, les éditions du Pommier proposent une réédition d'un essai fondateur, Le contrat naturel de Michel Serres. Avant d'en dire plus, je vous laisse découvrir un échange entre le philosophe et Ali Badou, il y a près de 10 ans dans l'émission Radio Libre. Lorsque vous écriviez Le contrat naturel, vous étiez l'un des premiers à dire un enjeu écologique, même si vous n'employez pas le terme, qu'il y avait un enjeu, en tout cas majeur, devant nous, avant que ça ne devienne un sujet médiatique. Exact, oui. Mais vous n'avez pas vraiment été entendu. Votre livre s'est bien vendu. Malgré tout, il y a eu des critiques très fortes, notamment, par exemple, si l'on songe à celle d'un autre philosophe. Qui est devenu ministre. Voilà, Luc Ferry. Qui disait, c'est une pensée dangereuse, attention, pensée écologique. C'est du fascisme. Elle vient du terrorisme et elle peut mener au terrorisme. Voilà, c'était terrible, terrible. Qu'est-ce que j'ai pris ? J'en ai pris plein la gueule, ça c'est sûr. Mais à cette époque-là, c'était moins de l'engagement qu'une réflexion à long terme. Vous le remarquez, le contrat naturel était une réflexion à très long terme. Je veux dire par là que c'était un livre de philosophie du droit, d'une certaine manière. D'ailleurs, j'avais repris des études de droit à cette occasion, mais je manquais d'éducation à cet égard. Et un livre de philosophie du droit où je disais que la Déclaration universelle des droits, par exemple de l'homme, ne concernait jamais que l'homme, la femme, l'enfant, le vieillard, etc., l'autre avec un grand A, etc. Et qu'elle ne sera universelle que le jour où elle concernera la nature, tous les vivants, tous les objets vivants, inertes, la nature dans son ensemble. Exactement. Alors évidemment, ça a paru ridicule parce que on m'a traité d'animiste. Après m'avoir traité de nazi, on m'a traité d'animiste parce que, bien entendu, les animaux n'ont pas de main ni de porte-plume pour signer ce contrat. D'ailleurs, on avait fait la même critique à Rousseau pour le contrat social. Mais enfin, ça n'a pas d'importance. Mais là, c'était quand même du recul. Il fallait prendre un recul très, très long. Et c'était une fiction théorique. De la même manière que personne chez Rousseau ne s'est réuni plume à la main pour signer le contrat social, vous n'imaginiez pas un jour que Dame Nature allait s'asseoir à notre table pour rédiger ce grand contrat. Tout le monde m'a traité de ça, exactement. Que moi, je croyais à cette dame-là. Je crois beaucoup de dames, mais pas à celle-là quand même. Oui. Mais là, c'était moins de l'engagement qu'une spéculation à très long terme. Vous voyez, c'était à très long terme pour le futur, mais ça supposait une réflexion à très long terme dans le passé aussi, puisqu'il s'agissait de voir que dans l'Antiquité, par exemple, peu de gens avaient des droits, sinon le citoyen adulte mâle de 40 ans, et que peu à peu ça avait mis des millénaires avant d'arriver à la totalité de l'humanité, et qu'il faudrait peut-être des dizaines et des centaines d'années pour que ça arrive aussi à la nature elle-même, le contrat naturel. Par conséquent, c'était pas un engagement dans un parti, c'était pas un engagement dans une sorte de circonstance déterminée, mais c'était un travail de philosophe du droit. Un travail de philosophe du droit, martèle Michel Serres. Et pour cause. Michel Serres déplore le mélange des genres. Le philosophe est là pour penser, pas pour s'engager. L'engagement politique dessert même la portée du discours philosophique. Or, le discours porté par le contrat naturel, un essai véritablement fondateur, mériterait aujourd'hui d'être entendu par ceux qui épousent la cause écologique. En partant du constat de l'impact de toutes les activités humaines sur l'équilibre total de la planète, de la violence sans merci qui règne désormais entre l'homme et le monde, Michel Serres démontre qu'il y a une irruption du monde comme acteur à part entière et majeur de l'histoire. Il appelle donc à une réconciliation, à un nouveau contrat qui compléterait le contrat social de Rousseau. Si le contrat social de Rousseau se fait d'homme à homme dans le monde, le contrat naturel de Michel Serres doit s'effectuer entre l'homme et le monde. Vous l'avez entendu dans l'extrait. À sa sortie, le livre s'est heurté à une levée de boucliers. Il y a 30 ans, vouloir sauver la planète était considéré comme une élucubration, et même par certains, comme une tentation fascistoïde. Aujourd'hui, le monde entier semble s'être emparé du sujet. Partout, l'on entend qu'il est urgent d'agir. Ce que nous rappelle Michel Serres, c'est qu'il est avant tout urgent de réfléchir. C'est pourquoi son ouvrage, Le contrat naturel, réédité aux éditions du Pommier, paraît plus que jamais actuel. Et c'est pourquoi nous recevrons Michel Serres ce vendredi dans les chemins de la philosophie. Merci beaucoup Anastasia Colosimo. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Marie Simon, Sharon Houry, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Anaïs Isbert, Lise Combe et Philippe Baudouin sont à la réalisation cette semaine, Florent Bujon à la prise de son, Élise Moon à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série populaire en compagnie de la philosophe Gloria Origi. Comment une réputation se fait-elle ou se défait-elle entre bonne et mauvaise réputation ? Ce sera le sujet de l'émission demain à 10h donc. Mais d'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, sachez que c'est très simple, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter les émissions en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster, afin de les écouter où vous voulez, et quand vous voulez, et oui, peut-être enregistrer ces émissions pour en faire des émissions populaires, si j'ai bien lu Agnès Guéraud. Rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. À demain, 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.